優しい。Je respire. Endormi sur la terre. Car j'avais une paix dans les artères. Endormi sur la terre. Cueilli à jeune haine. Je brise ses racines. Je les assassine. Entre un couteau. Trouvé dans l'eau, la sève sort, je l'absorbe. Car j'avais une paix dans les artères. Car j'avais une paix dans les artères. J'ai senti monter la sève que j'avais trouvée. Elle me soigna ma douleur dont j'avais si peur. Mais je sentis mes bras sourire, mes veines grossir. Je respire. Oh yeah.